Chapitre 2. Le quatrième jour, on vit enfin apparaître le soleil. Annonciade, en se rendant à la messe avec Agnès, aperçut la petite baie, toute noyée la veille sous la brume d'une pluie serrée, baignée ce matin dans la lumière encore pâle de février. Les barques de pêche, lamentables hier, prenaient maintenant un air pimpant et, quittant le port, glissaient, voiles déployées, sur le bleu de la mer légèrement houleuse. En sortant de l'église, Agnès proposa à sa sœur une courte promenade le long de la côte. Madame Lehennec l'avait permis pour profiter de ce beau temps qui serait peut-être de courte durée. Annonciade acquiesça. Elles sortirent du village, prirent un sentier bordé de haies entre des champs pauvres conquis péniblement sur la lande. Celle-ci recommençait plus loin jusqu'à un bois de pins. Des blocs de pierre la parsemaient, prolongement des assises rocheuses de la côte, battues par la mer déferlante. Les deux sœurs longèrent la courbe de la baie et, bientôt, se trouvèrent en face de la pleine mer, en face des écueils et du phare construit sur l'un d'eux. L'air du large, aux senteurs de sel et d'algues, les frappa au visage, souleva les cheveux blonds d'Agnès et les bouclettes brunes qui dépassaient le chapeau d'Annonciade. La jeune fille murmura « Que c'est beau !» Son âme vibrante palpitait d'admiration devant l'immensité frémissante enveloppée de lumière, la splendeur sauvage de ces rocs meurtriers, noirs et aigus, sur lesquels se répandaient l'éblouissante clarté qui dansait en éclairs sur la houle bleue des flots. Agnès répéta pensivement « Oui, c'est beau, c'est très beau !» Au-dessous d'elle, le roc se creusait en grottes profondes, en gouffres où l'eau clapotait, même à cette heure de la marée basse. Au moment du flux, les vagues mugissaient dans ces sortes d'entonnoirs rocheux et déferlaient avec tant de violence que leurs embruns arrivaient jusqu'à la lande. La côte s'infléchissait un peu. Une sorte de promontoire apparut. Tout à l'extrémité se tassait une vaste construction massive dont la couleur sombre, les murs rugueux, se confondaient avec l'assise rocheuse qui la soutenait. Son aspect lourd, primitif, ses fenêtres rares et étroites lui donnaient l'apparence d'une demeure barbare, de quelques repères bâtis aux âges lointains pour abriter des pirates, de puissants écumeurs de mer contemporains de la ville d'Is. Agnès étendit la main dans cette direction en disant « C'est Gerlach !» Annonciade tressaillit et s'arrêta machinalement pendant un instant. Son regard s'attachait au vieux manoir, sombre et rude même en ce jour de soleil. Comment ne l'avait-elle pas deviné aussitôt? Monsieur de Pandelon lui en avait parlé plus d'une fois, le lui avait complaisamment décrit. Il l'aimait, disait-il, et y vivait volontiers 2 mois par an. 2 mois! Et maintenant, il s'y cloîtrait farouchement pour cacher son désespoir et son infirmité. Agnès ajoutait « Papa assure que cette demeure fut celle des princes celtes, nos aïeux. Monsieur de Pandelon le croit aussi. En tout cas, elle est très, très ancienne. Et il y a des souterrains qui communiquent avec les grottes creusées par la mer. » Le sentier continuait de suivre le contour de la côte. Annonciade et Agnès se rapprochaient de Gerlach. Le bâtiment, lourd et immense, devenait plus distinct. Du côté de la terre, sa façade aux larges fenêtres s'ornait de lierre. Devant, se dressaient des pins et des arbres d'essences diverses qui avaient résisté aux assauts furieux des tempêtes. Annonciade put distinguer des allées, un parterre à la française. Puis le sentier tourna en descendant et Gerlach disparut. Mais, sans avoir pu s'expliquer comment, Annonciade se trouva, 10 minutes plus tard, devant une grille imposante, ouverte entre 2 massifs piliers de granit. Agnès lui expliqua. « La côte est très sinueuse en cet endroit. Voilà ce qui vous a dérouté. Après Gerlach commence la forêt, qui appartient aussi à Monsieur de Pandelon. Bien que très étendue encore, elle n'est qu'un débris de celle qui couvrait autrefois une partie du pays. » Nous vous y mènerons bientôt. » Annonciade jeta un coup d'œil au-delà de la grille. Une allée de pins conduisait au manoir qu'on ne distinguait pas d'ici. Les grands troncs rudes, battus par le vent, se courbaient, s'inclinaient tous dans la direction des terres. La brise du large répandait autour des promeneuses leur senteur balsamique, plus sèche que celle des pinèdes provençales et un peu âpre. Les deux sœurs revinrent par un chemin qui traversait la lande, atteignaient le bois de pin et le longeaient ensuite. Deux silhouettes de femmes se profilaient devant elles, dans la lumière, et se rapprochaient lentement. Agnès annonça « Voilà Madame de Pandelon et sa fille !» Sa mère, sa sœur. Il n'en parlait presque jamais dans ses entretiens avec les Labarède. Un jour seulement, comme Madame Labarède lui demandait si sa sœur n'était pas mariée, il avait répondu, sur un ton bref et dédaigneux, qui avait impressionné désagréablement Annonciade « Oh non, pauvre Run, et je ne souhaite pas qu'elle le soit jamais, car elle ne pourrait être choisie que pour sa fortune. » Depuis hier, Annonciade avait l'explication de ses paroles, Madame Le Hennec lui ayant incidemment appris que Run de Pandelon était un modèle de laideur et qu'elle passait pour inintelligente. Les deux femmes approchaient. Annonciade commençait de distinguer leurs traits. Madame de Pandelon avait été d'une grande beauté, assurait Madame Le Hennec. Il n'en restait que peu de traces en cette taille épaissie, en ce visage dont le maquillage ne pouvait dissimuler toutes les flétrissures. Cependant, combien elle faisait bonne figure près de sa fille. Annonciade, en remarquant la taille courte, ramassée, la démarche disgracieuse, les traits grossièrement formés, évoqua aussitôt l'allure élégante de Wenaël, son fier visage. Le frère et la sœur, était-il possible ? Annonciade et Agnès croisèrent les deux promeneuses et les saluèrent. Elles allaient passer outre, mais Madame de Pandelon s'arrêta en posant la main sur le bras d'Agnès et en regardant Annonciade. « Est-ce là cette grande sœur dont vous attendiez la venue, mon enfant ?»« Oui, madame, c'est Annonciade. » « Je suis heureuse de vous connaître, mademoiselle. » Madame de Pandelon tendit la main à la jeune fille et Run l'imita. Annonciade rencontra le regard sérieux, intéressé, de deux yeux gris sur lesquels retombaient à demi des paupières aussi pâles. Madame de Pandelon ajouta, du même ton de politesse banale, un peu condescendante, « Mon fils nous a dit un mot de vous, de vos grands-parents, chez lesquels il a logé l'année dernière. » « En effet, madame !» Annonciade sentit qu'elle rougissait et elle en éprouva une confusion profonde. Run la regardait longuement, tristement. Elle dit d'une voix un peu gutturale « À ce moment-là, il était encore heureux. Il ne pouvait penser que la vie changerait bientôt pour lui. » Annonciade répliqua vivement « Oh, mais il guérira peut-être !» Run hocha la tête et Madame de Pandelon murmura « Nous avons bien peu d'espoir. Lui n'en a pas du tout. J'espère que Madame Le Hennec vous amènera bientôt à Guerlac. Nous serons heureuses de vous revoir. À bientôt, mademoiselle. » Elles se séparèrent. Les deux sœurs continuèrent de suivre le sentier ensoleillé qui descendait vers le village. Agnès demanda « Comment les trouvez-vous ? N'est-ce pas que Mademoiselle de Pandelon est bien laide ? On ne peut le nier, mais j'aime son regard. Il est triste, nous pensons qu'elle n'est pas heureuse. Madame de Pandelon n'a jamais eu d'affection pour elle, et son frère non plus. Oh, pourquoi ? Mais parce qu'elle est laide. » Annonciade ne put contenir une exclamation de surprise indignée. Par exemple, oh non, je ne puis croire que ce soit cette raison-là. « Mais si, je vous l'assure, Monsieur de Pandelon l'a dit lui-même un jour à papa. J'ai une aversion invincible pour toutes les laideurs physiques et l'un des motifs pour lesquels je ne vis pas habituellement avec ma mère est l'impression désagréable produite sur moi par la vue de ma sœur. » Annonciade murmura « C'est odieux !» Elle avançait maintenant d'un pas machinal. Il lui semblait qu'un voile s'étendait sur toute cette lumière qui l'environnait. Elle se reportait en pensée vers le soir où, sur la terrasse de la Bastide, il l'avait regardée avec tant d'admiration brûlante et où il lui avait dit « En ce moment, la beauté, c'est vous. Je vous adore, Annonciade. » Oui, elle avait été l'idole d'un moment pour ce dilettante païen, pour ce jouisseur curieux de sensations nouvelles. Mieux que jamais, elle s'en rendait compte aujourd'hui. L'homme qui ne pouvait aimer sa sœur unique à cause de sa laideur n'était pas capable d'un attachement sérieux et durable. Avec un grand frémissement de souffrance, Annonciade pensa « Merci à vous, mon Dieu, qui m'avez donné le courage de ne pas l'écouter !» Quelques jours plus tard, Annonciade accompagna sa belle-mère dans une tournée de visite. En premier lieu, elles se rendirent à Guerlac. Madame Lehennec témoignait d'une grande considération à l'égard des Pandelon, premiers personnages du pays par leur fortune, leur nom, leur haute relation, et elle laissait voir un certain orgueil de ses bons rapports avec eux, les châtelaines de Guerlac ne frayant pas avec le commun des mortels. Annonciade, en franchissant la grille du manoir, se sentit saisie d'un émoi pénible qui s'augmenta lorsqu'en arrivant dans le jardin à la française, elle vit les fenêtres, dont les vitres, frappées par un rayon de soleil, étincelaient dans la façade sombre, à demi recouverte par le lierre. Wenaël de Pandelon était peut-être là derrière, s'essayant, malgré la faiblesse de sa vue, à discerner les visiteuses. Et s'il la reconnaissait ? Mais non, il ne chercherait pas à la revoir, puisqu'il s'enfermait farouchement dans la solitude. Toute possédée par ses pensées, Annonciade remarqua vaguement les grandioses proportions, le luxe sobre des salons du manoir. Elle dut s'appliquer beaucoup pour n'être pas distraite, pour suivre la conversation engagée entre sa belle-mère et Madame de Pandelon. Conversation insignifiante d'ailleurs. La mère du causeur si parfaitement intéressant, du fin lettré qu'était Wenaël, devait être classée au rang des intelligences médiocres. Un vernis de connaissances diverses, une grande habitude du monde et des papotages de salon pouvaient faire illusion à des interlocuteurs superficiels ou inexpérimentés. Mais, en réalité, rien n'était plus banal que cet esprit, que cette âme de femme. Rhin parlait peu. Elle se contentait de jeter dans la conversation quelques monosyllabes de cette voix gutturale qui avait déjà frappé Annonciade. Dans le cadre harmonieux du beau salon ancien, sa laideur, la sécheresse de ses mouvements, se remarquaient davantage, ainsi que l'absence de goût dans sa toilette, d'ailleurs fort simple. Cependant, elle ne manquait pas d'une certaine distinction aristocratique, laquelle seule empêchait qu'on la prît dans le salon de sa mère pour une subalterne. Comme Madame Lehennec demandait des nouvelles de M. de Pandelon, la châtelaine répondit en soupirant « Ses yeux sont toujours dans le même état et il souffre beaucoup de la tête. Maintenant, il ne veut plus entendre parler des médecins. Il vit dans son appartement et souvent, il refuse de me recevoir. Je suis atrocement inquiète. » Elle cacha un instant son visage entre ses mains, puis, laissant retomber celle-ci, elle ajouta, en s'adressant à Annonciade, « Je lui ai parlé de vous, mademoiselle, je lui ai dit que je vous avais vu. J'espérais éveiller en lui un peu d'intérêt, le sortir un instant de cette indifférence sombre qui m'effraie. Mais il s'est détourné pour regarder la mer en me répondant « C'est du passé tellement lointain, tout cela. » Une teinte rose s'étendit sur le visage d'Annonciade jusqu'à son front. Elle sentit que ses lèvres tremblaient. À ce moment, elle eut conscience que le regard de Rhin s'attachait sur elle, comme l'autre jour, avec la même expression de tristesse profonde. Mademoiselle de Pandelon savait-elle donc, ou devinait-elle, que son frère s'était amusé à la conquête de ce jeune cœur simple et confiant, et qu'Annonciade n'avait pu encore arriver à cesser de l'aimer ?